Mimésis. Chapitre 12. Descente. Je gare la voiture dans une impasse. Il s'agirait de ne pas trop attirer l'attention. L'endroit n'est pas vraiment secret, mais ses usagers préfèrent éviter toute publicité. Dehors, il pleut à verse. L'inspecteur, en sortant, met le pied dans une flaque et mouille le bas de son pantalon. Il peste. J'aime sa spontanéité. Il tient Bénédicte par le bras, qui, désormais docile, se contente de gémir entre deux accès de mutisme. Je la bride d'abord sous un porche, puis lui indique comment rejoindre le réseau. Nous arrivons à l'entrée d'une bouche de métro. Condamné pour cause de vétusté, l'ensemble est à l'abandon depuis plusieurs années. On l'a noyé de béton à la hâte, de peur que le terrain ne s'effondre. Mais quelques stations demeurent accessibles à qui est initié. Les squatteurs s'en sont donnés à cœur joie. Nouvelle catacombe, en proie aux plus grandes bacchanales, le métro a d'abord été investi par une jeunesse orgiaque et plutôt dorée. Mais la pauvreté est comme un cancer incurable qui laisse derrière elle une aura de mort. Quand les hipsters se sont lassés du lieu, de plus en plus mal fréquenté, ils l'ont légué de bonne grâce aux nouveaux occupants. C'est désormais le repère éphémère de petits dealers et autres marginaux qui ne savent jamais où les mènent leurs pieds. Au service, le métro a une sale réputation. Si on n'enquête jamais vraiment sur les affaires des districts extérieurs, le mot poli pour dire bas-fond, parfois, il y en a quand même qui remontent jusqu'à nous. Histoire de faire un exemple, je suppose. Je peux te dire que celle-là, on s'en serait bien passé. Dans les couloirs du métro, justement, on a retrouvé un jour une bonne centaine de cadavres. Des migrants, pour la plupart. Des femmes. Des enfants. Un vrai charnier. Mais le pire, c'est qu'on les a pas dénichés tout de suite, non. C'est l'odeur qui a alerté les riverains. Une vraie puanteur. Quand on y a mis le nez, tous les bleus ont dégueulé de concert. C'était pas beau à voir. Depuis, le métro, moi, je m'en méfie. C'est pas comme si c'était compliqué de planter un mec dans le noir. L'entrée se fait par les égouts. L'inspecteur y fait d'abord descendre Bénédicte, qui, les mains toujours menottées, ne trouve aucune prise et chute d'un mètre en contrebas. Sa tête heurte le sol de plein fouet. On y a placé un matelas, heureusement, mais le choc n'en est pas moins rude. Tout doux, inspecteur. Nous avons besoin de lui. Je nous éclaire à la lueur de mon portable. Tout autour, des murs couverts de tags en tout genre. L'humidité s'y condense et commencerait presque à former un ruisseau à nos pieds. Bénédicte avance à tâtons. Je le pousse sans ménagement. Devant nous, le niveau de l'eau monte à mesure que le couloir se fait boyau. Je suis pas claustro, mais j'aime bien être libre de mes mouvements. C'est là. Une porte rouillée, flanquée d'un éclair. On dirait une vieille armoire électrique. J'ouvre la porte qui révèle un escalier dont je ne vois pas la fin. Bénédicte, après toi. Ma connexion réseau est très mauvaise, inspecteur. Nous serons bientôt coupés. Quand vous serez tout en bas, suivez les panneaux de service. Ils vous mèneront jusqu'à la plateforme principale. Quelqu'un vous y attendra. Dépêchez-vous, inspecteur. Nous comptons sur vous. Vous ? Vous m'entendez ? Allô ? Dans mes lentilles s'affiche le signal de perte de connexion. D'abord agacé, je me rends compte que c'est peut-être l'occasion de me débarrasser de mes intras sans qu'ils me pètent à la gueule. Je fais asseoir Bénédicte et lui enjoins de ne pas bouger. Voyons voir. Je fourre un doigt dans mon oreille, essaye d'extirper l'objet, mais rien ne vient. Je force un peu. C'est douloureux, mais rien à voir avec la brûlure de la dernière fois. J'appuie franchement sur le mécanisme, gratte le conduit de l'ongle. Putain, ce truc est vraiment coincé. Mais en tout cas, je tiens quelque chose. Une chambre confinée, un robot chirurgien coupé du réseau, et me voilà tiré d'affaire. Pour la première fois, je reprends vraiment espoir. Bénédicte a surpris mon manège. Dans son regard, je décèle comme de la connivence. Est-ce qu'on partage le même sort ? Je voudrais le faire parler, mais l'homme reste taiseux. De toute façon, faut que j'avance. Si je suis pas leurs ordres, ça va paraître suspect. Au bout du couloir, j'entre dans ce qui semble être une coursive de service. Des câbles hors d'âge courent sur les murs, engoncés dans leurs gaines de plastique. On dirait des vers ou des serpents. Un frisson parcourt mon échine. Au loin, j'entends comme une voix. J'ai dû rêver. Le chemin finit en cul-de-sac. Je m'apprête à faire demi-tour quand un panneau ménager sur le côté coulisse dans un grincement arraché. À l'intérieur, une salle quasi vide, qu'éclaire tant bien que mal une vieille lampe à filament. Sans que je lui demande quoi que ce soit, Bénédicte s'y engouffre. Je le suis. Le panneau se referme derrière nous. Au centre de la pièce, une grande table rectangulaire. Pas de chaise. Aucune issue. J'attends plusieurs minutes, selon mon portable, sans que rien ne se passe. Ça semble des heures. Bénédicte aussi trouve l'attente insupportable. À la lumière fébrile de l'ampoule, il paraît encore plus misérable. Ses doigts tremblent, non. Tout son corps tremble de peur. Et ses lèvres qu'il se mord jusqu'au sang me font penser à un type qu'on mène à l'échafaud. Tu n'as que ce que tu mérites, ordure. La mallette que je porte à bout de bras commence à faire sentir son poids. Je la pose sur la table. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Bon, il fout de quoi ? J'ai toujours pas de signal et mes intras sont désespérément silencieux. Je prends mon mal en patience en faisant les 100 pas. L'air de rien, je fouille la pièce. Ni micro, ni caméra. Une vraie zone blanche.